l'amour c'était de la musique, alors j'écrirais des musiques. Si l'amour c'était une prière, je prierais Dieu jusqu'en enfer. Si l'amour c'était de la folie, alors j'aurais perdu l'esprit. Fou à m'enfermer, à m'enchaîner, à m'emprisonner pour la vie. Mais si l'amour c'est l'amour, alors seulement fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, avec ton cœur, avec ton corps. Je t'en supplie, fais-moi l'amour jusqu'au dernier jour de nos jours. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, encore plus tendre, encore plus fort. Aussi longtemps qu'on puisse aimer deux amants dans l'éternité. Puisque l'amour c'est l'amour, alors seulement fais-moi l'amour. L'amour c'était tout simplement désirer te faire un enfant. J'aimerais qu'il soit pareil à toi, pareil à moi de temps en temps. Mais si l'amour c'était comme à la guerre, alors je serais mercenaire. J'irais au combat comme un soldat qui doit la faire et qui la perd. Mais si l'amour c'est l'amour, alors seulement fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, avec ton cœur, avec ton corps. Je t'en supplie, fais-moi l'amour.